Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 13. En la 23e année de Joas, fils d'Ocosias, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël, dans Samarie, pendant 17 ans. Il fit le mal devant le Seigneur, et il suivit les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Et la fureur du Seigneur fut irritée contre Israël, et il les livra à la main d'Azaël, roi de Syrie, et à la main de Ben-Hadad, fils d'Azaël, durant tous ses jours. Or Joachaz implora la face du Seigneur, et le Seigneur l'écouta, car il vit l'angoisse d'Israël, parce que le roi de Syrie les avait brisés. Et le Seigneur donna un sauveur à Israël, et il fut délivré de la main du roi de Syrie, et les enfants d'Israël habitèrent dans leur tabernacle comme hier et avant-hier. Cependant, ils ne s'écartèrent pas des péchés de la maison de Jéroboam qui fit pécher Israël. Mais ils y marchèrent, puisque même le bois sacré demeura toujours en Samarie. Et il ne resta de peuple à Joachaz que 50 cavaliers, 10 chariots et 10 000 hommes de pied. Car le roi de Syrie les avait tués et réduits comme la poussière dans un battage d'air. Mais le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et son courage, n'est-ce pas écrit dans le livre des actions des jours des rois d'Israël? Joachaz dormit avec ses pères et en l'ensevelit à Samarie, et Joas son fils régna en sa place. En la 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël dans Samarie pendant 16 ans. Et il fit le mal devant le Seigneur. Il ne se détourna pas de tous les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël, mais il y marcha. Mais le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait et son courage, et comment il combattit contre Amasias, roi de Juda, n'est-ce pas écrit dans le livre des actions des jours des rois d'Israël? Et Joas dormit avec ses pères, mais Jéroboam s'assit sur son trône. Or Joas fut enseveli à Samarie avec les rois d'Israël. Cependant, Élisée était malade de la maladie même dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Et il pleurait devant lui, et il disait, « Mon père, mon père, vous le char d'Israël et son conducteur. » Et Élisée lui dit, « Apportez-moi un arc et des flèches. » Et lorsqu'il lui eut apporté un arc et des flèches, Élisée dit, « Mettez votre main sur cet arc. » Et lorsque le roi eut mis sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et dit, « Ouvrez la fenêtre qui regarde l'Orient. » Et lorsqu'il l'eut ouverte, Élisée dit, « Jetez une flèche. » Et il la jeta. Et Élisée reprit, « Flèche de salut du Seigneur, flèche de salut contre la Syrie. Et vous frapperez la Syrie à Aphek jusqu'à ce que vous l'exterminiez. » Il dit encore, « Prenez les flèches. » Lorsque le roi les eut prises, il lui dit de nouveau, « Frappez la terre avec un dard. » Et lorsqu'il eut frappé 3 fois et qu'il se fut arrêté, l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et dit, si vous eussiez frappé la terre 5 fois ou 6 fois ou 7 fois, vous auriez frappé la Syrie jusqu'à l'extermination. Mais maintenant vous la frapperez par 3 fois. Élisée mourut donc et on l'ensevelit. Or des voleurs de Moab vinrent sur la terre d'Israël en cette même année. Or quelques hommes enterrant un mort virent les voleurs et jetèrent le cadavre dans le sépulcre d'Élisée. Lorsque le cadavre eut touché les os d'Élisée, l'homme revécut et se tint sur ses pieds. Azaël, roi de Syrie, affligea donc Israël durant tous les jours de Joachaz. Et le Seigneur eut pitié d'eux, et il revint à eux à cause de son alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les perdre, ni les rejeter entièrement jusqu'au temps présent. Cependant Azaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna en sa place. Mais Joas, fils de Joachaz, reprit de la main de Ben-Hadad, fils d'Azaël, les villes qu'Azaël avait prises de la main de Joachaz, son père, par le droit de la guerre. Joas le bâtit par 3 fois, et il rendit les villes d'Israël. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010.